Exercice 2. Bonjour, vous êtes bien au collège Jean Rostand. Si vous désirez parler avec le secrétariat administratif, dites « administration ». Pour entrer en contact avec la salle des professeurs, dites « professeur ». Pour contacter la bibliothèque, dites « bibliothèque ». Merci de votre appel.